beaucoup. Bonjour, bonsoir. Eh oui, c'est une nouvelle. Une nouvelle émission, bien sûr. Nous allons, dans cette émission, je ne sais pas trop ce qu'on va faire d'ailleurs. 791. Alors, oui, je disais, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans cette émission parce qu'il n'y a rien de prêt. Il n'y a rien de prêt, donc on va recourir à l'improvisation, comme on dit, hein. Eh oui, que voulez-vous? C'est ainsi que va la vie, hein? Bien, allez. Momenti vienesi, Lucio Pavani. C'est un pote, oui, c'est un copain à moi. Italien, bien sûr. Oui, il joue... c'est un bel orchestre qu'il a. Il joue un peu de tout. Et là, c'est Momenti vienesi. Ouais. Moment viennois. Voilà, pour nous mettre dans l'ambiance de cette... émission. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas eu peur. Vous êtes toujours là. Bien. Allez, on commence tout de suite. On va commencer par s'accrocher à l'accordéoniste. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il va nous faire, cet accordéoniste-là. Toujours est-il que nous allons tout simplement l'écouter. c'est pas la chenille, hein. C'était pas la chenille, pas du tout, non, non. Eh bien, voilà, c'était donc « Accrochez-vous à l'accordéoniste ». Et puisque nous ne connaissons pas tout hein, dans notre vie, hein, et puis que nous n'aimons pas forcément toujours les mêmes choses les uns par rapport aux autres, je vous invite à aimer l'Auvergne. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ce n'est qu'un refrain familier que chante au soir un gondolier, mais qui fait revivre en nos cœurs un merveilleux bonheur. Souviens-toi de ce tango des jours heureux, du refrain qui fit de nous deux amoureux. Cette nuit, je me retrouve en l'écoutant, le cœur battant comme à 20 ans. Souviens-toi les violons du temps passé ont

un refuge perdu qui se mire à l'eau claire des lacs verts d'orgélus ouverts aux quatre vents, aux montagnards perdus dans la brume et la neige comme un port du salut. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. C'est dans la montagne un refuge perdu, entouré d'asphodèles, de sapins chevelus. Une histoire d'amour a commencé là-bas, lorsqu'une nuit d'octobre, j'y ai dormi près de toi. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. Mon refuge et tes yeux sont pour moi ces lacs verts où se mirent mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude j'y viens chercher souvent un soupir qui rassure, un regard apaisant. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. C'est pas beau ça, hein? Magnifique cette chanson, eh oui. C'est un Pyrénéen qui chante ça, eh oui. Thank you. Voilà, c'était Éric Bouvel dans son interprétation, sa vioule avec des doigts de fée, comme on dit, Florine la Toupilleuse. C'est le titre de ce morceau qu'il vient de nous jouer aussi savoureusement. Eh oui, savoureusement. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de nos amis espagnols. Ils ont le cœur chaud. Que la più bella di Barcellona, anche stasera tarnocciarne più nella lena. Oh, da quando la messa pena la cattedrale. Alla sua chitarra me pianiona, Manuela, Manuela, se nella tua casa no te s'aggusta così viola. Parola, amore, amore, non senti che io volo tornati per sempre il mio cuore, Manuel. Petit tour du côté de l'Espagne, méditerranéen, c'est le sang chaud, tout simplement. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et puis du coup, eh bien, on va rester au bord de la mer avec Alain Barrière. Oh, je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent de vin. La mer a ses amants qui se grisent à ses pères. Je n'aurais donc été en ce grand univers qu'un de ces marins-là qui vont en solitaire. Et l'inutile cri d'une inutile fête. Regardez la mer. À la barrière, à regarder la mer. Eh bien, moi, je vais vous envoyer du soleil après la mer. Eh oui, après la mer Méditerranée ou bien la mer que sais-je. Moi j'ai besoin de toi, je rêve de bonheur. Je sais que tu m'attends, je sais que tu t'ennuies. L'avion va décoller, je suis déjà parti. Et j'emporte avec moi le goût de tes baisers. Les plages de là-bas, nos souvenirs d'été. Nous nous retrouverons, ça je te le promets. Et rien ne pourra plus jamais nous séparer. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils. C'est comme du feu et dans les cieux, on voit mille merveilles. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils. Au fond des yeux, de tes yeux bleus qui font un arc-en-ciel. Un jour gris, un jour blanc, ton cœur il est changeant. Comme la mer, l'océan, la pluie ou le beau temps. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils. Au petit matin, je te tends la main et j'attends ton réveil. Demain, je reviendrai, c'est fait qui s'est juré. Toi et moi, notre histoire est un conte de fées. Le vent va se lever, tu prendras les chemins où nous avons marché, nous deux mains dans la main. Tu iras te baigner dans les eaux du torrent où tu me racontais toutes tes joies d'enfant. Ton secret bien caché, ton trésor, tes envies, tu me les garderas jusqu'au bout de nos nuits. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils. C'est comme du feu et dans les cieux on voit mille merveilles. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils. Au fond des yeux, de tes yeux bleus qui font un arc-en-ciel. Un jour gris, un jour blanc, ton cœur il est

aujourd'hui c'est le bal de l'amitié, où les gens sont tous très bien habillés. Ils sont là pour passer une bonne soirée, et demain ils auront tous mal aux pieds. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on se balance, on est tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne. La bidouillade, on se balance, on est tranquille. La bidouillade, c'est quand même pas difficile. La bidouillade, cette chanson qui a du style. Allez, c'était pour terminer cette première partie de l'émission et on attaque tout de suite la deuxième avec le temps qui passe. T'as déjà fait le tour de la terre, t'es incollable sous le nom des aéroports. Dans les taxis, tu téléphones, dans les avions, tu réfléchis. Ton agenda est plus rempli que ta tête. Où tu travailles, où tu fais rien, t'es pas rentré que t'es parti. Même ta maison finit par n'être qu'un hôtel. Et tu ne sais plus nous parler d'autre chose, des équations et des bilans et des projets. Tu multiplies les mouvements, tu rétrécis les temps d'arrêt. Tu prends ton pied quand je me prends la tête. Tu réfléchis tout en dormant et tu parles la bouche pleine. Tes ambitions sont à la mesure de toi-même. Sais-tu encore qu'il y a des saisons? As-tu remarqué que les oiseaux sont revenus? T'as une fille de 10 ans, un vieux pommier dans ton jardin. T'as déjà des cheveux blancs et l'avenir au creux des mains. Mais tu vieillis 2 fois trop vite. Tu vieillis et tu m'ennuies. T'as oublié de lui dire qu'elle était belle. Tu ne sais même pas ce qu'elle peut bien faire quand t'es pas là. Parce que tu es parti trop tôt, parce que tu rentreras trop tard. T'as confondu ta femme et ta carrière. Et tu t'endors sur le canapé, elle finit de débarrasser. Et tu t'étonnes qu'elle se foute pas mal de tes caresses. Mais c'est pas toi qui as porté les enfants. Et c'est pas toi qui te lèves la nuit pour les aimer. T'as une fille de 20 ans, un vieux pommier dans ton jardin. Beaucoup trop de cheveux blancs et plus grand chose au creux des mains. Tu vieillis 2 fois trop vite. Tu vieillis et tu m'ennuies. Et te voilà planté devant ma porte, à me raconter qu'il n'y a plus de pommiers dans ton jardin. Coincé dans ton complet veston avec ta valise à la main. T'as l'air d'un homme qui a paumé sa maison. Il n'y avait que toi pour ne pas voir que tu foutais ta vie en l'air. À oublier le parfum des saisons. Regarde bien l'oiseau voler dans les nuages. Et prends le temps de compter toutes les étoiles. Change la couleur de ton rêve et replante un nouveau pommier. Va leur dire que tu arrêtes de jouer l'apprenti sorcier. Regarde bien le temps qui passe. Et dis-toi bien qu'il ne revient jamais. va t'en remettre le bonheur à sa place. Et mon ami, il y aura des pommes dans ton pommier. Très belle chanson de Barbara Deschamps, Le temps qui passe. Trois petites notes de musique vont plier boutique au creux du souvenir. C'en est fini la tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans l'air rude de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue en été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime, chantait la rengaine. La la, mon amour, des paroles sans rien sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie. Et tu ne l'as pas cueillie. Reprendra l'unisson. La la la la, la tour rêve rime avec sa chèvre. Le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, le temps d'un refrain. Juliette Gréco qui nous a fait cet immense plaisir. Trois petites notes de musique. Une chanson que l'ami Sergio de la Longa aimait particulièrement. Si un jour cela devait m'arriver, que tu viennes à me quitter, pour moi ce serait la fin du monde. Quand je vous verrai tous deux partir, échangeant des regards, des sourires, entourés d'une joie profonde. Le soleil pourra briller plein feu, insouciant vous serez heureux, et dans mon cœur battra la pluie. Je verrai s'éloigner vos deux ombres, je me cacherai dans la pénombre, pour moi ce sera la fin de ma vie. Oh mon Dieu Seigneur, protégez mon bel amour, rendez-le plus grand et plus fort chaque jour. Si un jour cela devait m'arriver, que tu viennes à me quitter, pour moi ce serait la fin du monde. Seul abandonné, tout serait fini, ce qui me reste. pleurer de rire s'éteindrait à chaque seconde. Écrasé sous le poids du chagrin, j'aurais peur de ces lendemains, me rappelant mes souvenirs. Vois-tu, je serais perdu pour toujours si tu me quittais, mon amour. Si un jour tu venais à partir, si un jour, si un jour. Cette chanson, elle a une petite histoire, faut que je vous la raconte. Nous étions avec l'ami Serge et l'ami Dédé. Nous étions un jour chez notre ami commun, Jean-Marc Leclerc, le chanteur du Buget. Il y avait donc Dédé Bertetto, Sergio Della Longa, Jean-Marc Leclerc et moi-même. Et une idée folle est sortie de ma tête. J'ai tout simplement demandé à Jean-Marc, puisque nous étions dans son studio d'enregistrement, eh bien d'enchaîner quelques chansons et de les enregistrer. Et il en est sorti un certain nombre que je garde précieusement, précieusement. Le souvenir de Dédé, le souvenir également de Jean-Marc, bien sûr, et le souvenir de mon pote Sergio. J'écrirai ton nom sur les pierres, sur les cheveux de lierre, des ruines abandonnées. Je t'attendais à la rivière, dans le bleu des fougères, auprès d'un champ de blé. J'écrivais ton nom solitaire, sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés. Je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent, les tout premiers je t'aime, les mariés de Vendée qui couraient à perdre. Sur les murs des villages, les nuits de la Saint-Jean. Je t'attendais comme un rivage, quand un bateau naufrage au cœur de l'ouragan. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des prénoms de baptême. Ta main dans la mienne, nous serons quoi qu'il advienne, des marins.

but a shadow tout simplement Nolwenn Leroy avec cette belle chanson, cette interprétation, une reprise en définitive, mais c'est une reprise qui a bien fonctionné et c'est tant mieux. Allez, c'est le quart d'heure italien et on commence tout de suite avec le folklore. Sempre suo marito Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ci sono persone che spesso nascondono le loro virtù. Son lì, ma tu non ci fai caso, e loro poi soffrono di più. Son loro che posano le pietre per ogni famiglia che nasce, ma noi spesso li trascuriamo, diciamo gli anziani non servono. I nonni raccontano le favole ai nipotini, e quando le narrano ritornano di nuovo bambini. I nonni sanno dare quel senso di serenità, perché hanno alle spalle una vita vissuta con grande onestà. A volte sottovalutiamo la loro presenza, perché si dà tutto ormai per scontato e ognuno non pensa che a sé. Sono loro che portano i bimbi a spasso e a scuola a studiare. Sono loro che quando hai bisogno sono sempre presenti e non chiedono di più. I nonni raccontano le favole ai nipotini, e quando le narrano ritornano di nuovo bambini. I nonni sanno dare quel senso di serenità, con grande onestà. I nonni sanno dare quel senso di serenità, c'est la belle histoire, une très très belle histoire avec les grands-pères, comme on dit, i nonni, eh oui. Dindonzone le campane, dindon festa mattinale. L'aria dello paese che bene che fa, zum zum ma che bella bande, zum zum va presso l'usante. L'aria dello paese te fa innamora, bla bla sta parlati Peppe, bla bla anche una giovanette, 10 minuti e tutta sta pitilia. Vieni qua, ma quanto buona sa sta, ma che ci fa l'amore a qualunque età, ma tu

se ci fai la marmellata. La prugna, mi piace il tricolore. Se la mangi notte di, non ti servirà il dottore. Sì, sì, sì, sì, mi gusta la prugna. No, no, no, non mi gusta la prugna. Sì, sì, sì, sì, mi gusta la prugna. Sì, sì, sì. No, no, no, non mi gusta la prugna. No, no, no. La prugna, la prugna, la prugna è sempre buona. È un vero tocca sana se ci fai la marmellata. La prugna, la prugna, mi piace il tricolore. Se la mangi notte di, non ti servirà il dottore. Se la mangi notte di, non ti servirà il dottore. Non ti servirà il dottore. Coquin, petit coquin. C'est la toute dernière. Questi vicoletti si sentono or cantare la voce allegra e bella dello spazzacamin. Per questi vicoletti si sento ognor cantare la voce allegra e bella dello spazzacamin. S'affaccia alla finestra la bella signorina con voce graziosina. Chiama lo spazzacamin, s'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce graziosina, chiama lo spazzacamin. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e bere allo spazzacamin. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e bere allo spazzacamin. E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco, il buco del camin. E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camin. Mi spiace giovanotto, ma il mio camin l'è stretto, povero giovanotto. On se quitte avec cette coquinerie. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Povero giovanotto, come farà a salir? Non dubiti, signora, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il camin. Non dubiti, signora, son vecchio de... Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.